Salut messieurs, mesdames et personnes non binaires. Voilà, c'est Thomas. Merci à Valkan pour ce nouveau podcast Frankenstein. Bon, vous savez, il y en a qui se font des défis d'avoir leur nom dans tous les crowdfunding qui sortent. Moi, comme j'ai pas les moyens, je me contente de squatter tous les podcasts Frankenstein. Donc, c'est pour ça que je participe à celui-là aussi. MJ est-elle une joueuse comme les autres? Bah, c'est une question assez intéressante. Alors déjà oui, je précise hein, que d'habitude je dis joueuse, je dis les joueuses et je dis même si c'est des joueurs quoi. Et je dis le MJ parce que c'est un peu l'habitude que j'ai prise. C'est pas top top en fait de féminiser que l'un et pas l'autre. Donc je vais essayer. C'est une vieille, enfin c'est une habitude dont j'ai du mal à me défaire. Je vais essayer de dire MJ. Voilà déjà plutôt que parce que MJ ça fait un peu neutre quoi ou ça fait penser à l'AMJ. Voilà déjà pour essayer d'avoir le même traitement justement que pour les joueuses. Alors j'ai tendance à penser que non MJ c'est pas une joueuse comme les autres parce que dans la plupart des jeux de rôle en fait on a clairement un gameplay qui est asymétrique. Bon bah voilà quoi le MJ contrôle le monde, les joueuses contrôlent leur personnage. En général, alors je vais mettre de côté les GN où clairement les joueuses peuvent jouer sans les orgas, mais en jeu de rôle sur table, en fait il y a un truc qui fait que tu peux, hormis quelques apartés, tu peux rien dire sans que le MJ soit là pour valider puis te répondre, tu vois, en fait, comme le MJ est ton interface. Et ce qui fait que, grosso modo, dès qu'une joueuse veut agir, bah en fait, ça va se traduire par un dialogue avec MJ. Bah en fait, de façon structurelle, grosso modo, MJ va occuper à peu près 50% du temps de parole, quoi. Donc, ce qui fait qu'il reste les 50 autres pourcents à se partager entre les joueuses. Et bon, évidemment, il y a des MJ qui parlent, je dirais, le max qu'un MJ peut faire, c'est 75% du temps de parole. Ça peut se rencontrer, je pense. Et les MJ les plus discrètes vont avoir, je sais pas, 25% du temps de parole, quoi. Dans les jeux de rôle tactiques, on pourrait dire que les joueuses, elles jouent contre les MJ, mais en fait, l'inverse est faux. C'est-à-dire que MJ peut pas jouer contre les joueuses parce qu'en fait, si MJ joue contre les joueuses, si MJ veut gagner, ben c'est juste trop facile. Suffit que tu mettes des monstres avec des stats énormes, des pièges impassables, enfin voilà, du monde des GD hyper dur. Enfin, de toute façon, tu peux mettre la difficulté que tu veux, quoi. Donc, si tu veux gagner contre les joueuses, c'est juste trop facile. Donc, en fait, même dans les jeux tactiques, MJ, en fait, il joue jamais contre les joueuses, quoi. Il joue plutôt pour les joueuses, quoi, à leur service. Il essaye de d'être MJ essaie de garantir une sorte d'équilibre, quoi, d'arbitrer, quoi. Donc déjà, ça, je trouve que ça fait une grosse différence, quoi. En fait, les joueuses, elles peuvent jouer sans retenir leur coup, tandis que MJ, en fait, il est obligé de retenir ses coups, quoi. J'ai tendance à penser que MJ va faire preuve de plus de leadership et de plus d'empowerment, quoi. Alors, c'est à la fois, je dirais, la fonction qui va lui permettre ça, lui donner une légitimité déjà pour avoir un leadership, lui donner beaucoup plus d'outils qu'aux joueuses. Donc, MJ va avoir cet empowerment. Hélas, des fois, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que il faudrait du leadership et de l'empowerment pour pouvoir être MJ. J'ai vu par exemple des MJ qui se faisaient pas respecter parce que par exemple ils parlaient pas fort ou des choses comme ça. Donc ça c'est un peu embêtant quoi. Et inversement, des MJ, quand ils se retrouvent joueuses, que ce soit à des jeux avec MJ ou des jeux sans MJ, on voit bien que, en tant que joueuse, MJ va faire preuve de plus d'initiative que la moyenne, quoi, clairement, quoi. C'est-à-dire que son leadership, son empowerment, MJ va le conserver quand elle repasse joueuse, quoi. Alors ça, c'est un constat qui irait plutôt dans le sens de dire que MJ n'est pas une joueuse comme les autres. Mais en fait, personnellement, et je pense pas être le seul, je pense qu'on voudrait en fait que MJ soit une joueuse comme les autres. On voudrait pouvoir aménager nos pratiques pour que ça soit le cas. Pour que tout le monde ait un peu la même sorte de fun et entre guillemets la même quantité d'engagement, la même responsabilité, quoi. Bah déjà, j'ai envie de dire, il faudrait que ça passe par le fait que nous, ce qu'on veut, c'est que les joueuses, finalement, aient autant de leadership et d'empowerment que MJ. Alors, ça pourrait passer par les jeux à narration partagée où on dit, bah voilà, en fait, les joueuses sont toutes MJ, elles ont toutes les mêmes. Mais globalement, même dans les jeux avec MJ, ça passe tout simplement par le fait de se dire que les joueuses ont autant de responsabilités, d'impact dans la réussite de la partie que MJ, quoi. Et voilà, qu'on se partage un petit peu plutôt qu'avoir des joueuses consommatrices versus un MJ dirigiste. Non, en fait, on est tout ensemble dans le même bateau et on participe tous et toutes à ce que ça soit une bonne partie, quoi, en donnant à peu près toutes, en faisant toutes et tous des efforts, quoi, tout bêtement. Et donc, ça passe déjà par arrêter de se dire que la partie sera bonne si MJ est bon ou bonne, quoi. Par exemple, ça passe par le fait de. On m'a donné un exemple en fait d'une joueuse qui avait décidé de jouer un personnage qui était naïf et qui s'émerveillait pour un rien. Et donc dans cette partie, le MJ faisait des descriptions qui étaient un peu plates, quoi. Mais la joueuse s'est mise dans la posture de dès que le MJ faisait une description, bah, le personnage faisait waouh, c'est génial et tout. Ou même dans ta tête en fait, quand MJ fait une description, je sais pas. Vous rentrez dans une forêt, tu vois, c'est un peu plat, MJ va pas plus loin, mais toi tu peux t'imaginer le craquement des feuilles dans ta tête, les petits bruits, les odeurs, tu vois, tu peux te faire ta propre immersion, t'es même pas obligé de le dire aux autres, enfin après tu peux le dire, quoi, genre ah, vous entendez le bruit des feuilles et tout, mais tu te fabriques ton propre plaisir en fait. MJ, juste servir d'amorce, c'est tout ce que MJ te donne, tu vas le reprendre et l'amplifier, le valoriser, quoi. Il y a cette idée qu'en tant que joueuse, on est là pour aider le MJ ou la MJ à ce que ça soit une bonne partie, quoi. Et en fait, quand on adopte cette idée que on est là pour aider MJ, clairement, on joue pas du tout de la même façon. C'est beaucoup plus cool. Le fun est partagé et on peut transformer une partie qui serait plate en quelque chose de vraiment un moment collectif inoubliable, quoi. Mais ça passe aussi que MJ prenne plus un plaisir de joueuse. Ça passe par exemple par un MJ qui s'identifie à ses PNJ, qui va s'identifier à LE, quoi. Et c'est vraiment sympa en fait quand un MJ se met à ressentir des émotions parce qu'il arrive un truc à son figurant, parce qu'il est dans un dialogue bouleversant avec un PJ et tout. Ça, c'est super intéressant, quoi. Ça passe aussi dans l'idée de. J'ai dit tout à l'heure que MJ, si vous voulez gagner contre les joueurs, c'était facile, il suffit de monter les stat blocks des PNJ. Mais justement, il y a des jeux qui proposent en fait une adversité qui soit régulée par le jeu et non par MJ, quoi. Donc ça passe par les jeux type Apocalypse World où c'est le MJ winnommable où MJ ne lance jamais les dés et surtout il ne met pas de les ces monstres n'ont pas de statistiques en fait donc l'adversité est portée en fait plutôt par les la teneur de l'adversité va plutôt être portée par les caractéristiques des PJ par où ils en sont dans leur feuille de personnage dans les chiffres et tout. Après moi je pense que Innommable et Apocalypse World vont pas à fond aussi loin que possible dans ces pratiques parce que Innommable c'est vertueux au départ parce que en fait il y a les jets de dés au fur et à mesure de la partie vont augmenter en difficulté tout le temps et c'est pas MJ qui décide, c'est le jeu, il dit bon bah d'abord premier jet c'est difficulté 1 et ça monte jusqu'à 7. Le problème c'est qu'en fait si MJ veut faire 15 jets de difficulté 7, il a le droit de les demander, quoi. On sait juste que la difficulté augmente, mais c'est pas dit combien de jets de dés on doit faire de chaque difficulté, quoi. Et Apocalypse World, Bah en fait, tu peux clairement harasser les joueuses en demandant plein plein de jets de dés, quoi. Et puis, il y a quand même plusieurs moyens de booster ton adversité, quoi. C'est-à-dire que tous les adversaires se valent pas. Il y a des adversaires qui sont clairement plus balèzes que d'autres. Même s'ils n'ont pas de caractéristiques, mais ils ont des tags qui font que il y a aussi des tailles, tu vois, entre un adversaire unique et un gang. Ben, c'est pas du tout la même difficulté, quoi. Moi, j'ai fait deux jeux qui essayent d'aller un peu plus loin dans le fait que c'est pas vraiment MJ qui détermine la puissance d'adversité. Dans Inflorenza, ça se passe en tour de joueuse et le MJ peut proposer qu'un seul conflit en fait pendant le tour de la joueuse et c'est pas du tout lui. Et en fait, la difficulté est clairement fixée par la joueuse parce qu'en fait, elle va jeter autant de dés qu'elle estime être liée à l'adversité, quoi. Donc plus l'adversité est balèze, finalement, généralement plus elle lance de dés, donc plus elle est balèze contre l'adversité. C'est juste le risque de retour de flamme qui devient plus important, mais clairement c'est la joueuse qui paramètre vachement, quoi, et non pas MJ. Dans l'empreinte, l'empreinte reprend le principe de l'innommable, mais en le rendant encore plus rigide entre guillemets, quoi, puisque y a le jeu se divise en quatre actes et à chaque acte MJ va demander un jet de dés et un seul, pas 0, pas 2, un seul jet de dés, et à chaque acte la difficulté augmente en fait, difficulté 1, puis 2, puis 3, puis 4, quoi. On pourrait aussi s'inspirer de jeux de plateau comme Warhammer Quest ou Descent, où c'est vraiment le jeu qui paramètre la difficulté. Warhammer Quest est tellement bien fait que, en fait, c'est un jeu de plateau type Descent, mais où tu peux jouer sans MJ parce que on sait exactement comment doivent se comporter les monstres, qui doivent attaquer, à quoi ressemble le donjon. Tout est procédural et il n'y a pas besoin de MJ, quoi, à ce niveau. Voilà, je suis en train de cramer le tempo, donc j'essaie de finir vite. Ce qu'on veut aussi, c'est des jeux où l'impro va être très guidée, où les scénars sont très écrits, donc dans le sens où finalement MJ, à l'instar des joueuses, ne met pas spécialement d'efforts, quoi. Il est très très aidé par le jeu, quoi. Ou à l'inverse, des jeux où MJ est pas plus aidé que les autres joueuses, quoi. On pourrait imaginer ça dans l'autre sens, quoi. Donc par exemple des jeux en impro totale. Donc l'idée que le MJ va pas préparer plus que les joueuses, ou alors si le MJ prépare beaucoup, eh ben il faudrait que les joueuses préparent aussi beaucoup, quoi, pour qu'il n'y ait pas une disparité dans l'engagement. Donc par exemple, pendant que le MJ prépare ses scénarios, les joueuses peuvent préparer leur perso ou faire des interscénars avec un système de jeu solo qui n'y ait pas besoin d'intervention du MJ pour l'interscénar, quoi, que tu pourrais faire ton interscénar toute seule avec un jeu de rôle solo, quoi. Ce qui est pas mal aussi, c'est évidemment le world building commun. Le jeu qui va le plus loin en la matière, je dirais, c'est les quick shots c'est sombre de Johann Scipion avec la méthode des quick shots, où en fait, c'est clairement les joueuses et le MJ qui vont paramétrer le décor. C'est quoi le décor? C'est quoi l'adversité? Le MJ, il a rien préparé avant que ça commence, il prépare rien après. En fait, joueuses et MJ passent autant de temps sur la partie et à peu près autant d'investissements, quoi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Encore merci à Valkan pour ce podcast Frankenstein. C'est vraiment cool que l'initiative continue. J'espère que ça continuera encore longtemps avec d'autres initiatives. Eh bien, salut, messieurs, dames et personnes non binaires. Jouez bien. Ciao.